midi 55 minutes. Bonjour et bienvenue dans cette édition de la mi-journée de ce 25 décembre dont les grandes articulations sont les suivantes. Deux personnes ont échappé à la mort dans la nuit de ce dimanche dans la zone d'Okanyocha. Elles ont été attaquées à la machette par des hommes non identifiés. Les victimes demandent que la sécurité soit bien assurée dans cette localité. La flambée des prix des denrées alimentaires n'a pas facilité la célébration de Noël à la population de la zone Muyira et celle de la province de Mwaro. Vous aurez les détails dans ce journal. Des organisations non gouvernementales étrangères voulant intervenir au Burundi doivent se positionner en respectant les besoins dégagés par les ministères. C'est la réponse qui a été donnée par Pascal Valandaguié au questionnement des députés sur le choix des zones d'intervention de ces ONG étrangères. Le développement de ces titres, c'est dans ce journal qui vous est présenté par Ali Dandaikeza et François Akimana assure la mise en onde. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Bienvenue encore et joyeux Noël à tous les chrétiens. Certains des habitants de la colline Kavumu en zone Muyira de la commune Kanyosha dans la province de Bujumbura disent qu'ils n'ont pas célébré Noël comme ils le faisaient au cours des années passées suite à la pauvreté. Ils indiquent que la situation est empirée par la flambée des prix des produits de première nécessité. On les écoute, ils sont au micro d'Evariste Nziko Wanyanga. La situation du moment ne nous permet pas de célébrer la fête de Noël. On n'a rien à mettre sous la dent. La flambée des prix des produits de première nécessité, c'est un autre paramètre. L'on ne célèbre pas Noël comme on le faisait avant. Les prix ont sensiblement grimpé. Le riz de dernière qualité coûte 2000 francs burundais, de même que le haricot. Les salaires n'ont pas été revus à la hausse. L'on ne peut rien avec Noël, sinon l'on risque de ne pas joindre les deux bouts du mois. Au cours des années passées, il était facile de célébrer les fêtes de fin d'année. L'on s'achetait de n'importe quoi, des limonades pour les enfants, des habits neufs pour nous et pour les enfants, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Raison pour laquelle nous demandons au gouvernement de sauver ce qui reste à sauver. La pauvreté, sans nom, la sécheresse constitue une menace. Toi aussi, tu le vois. Les poissons qui coûtaient 1000 francs, aujourd'hui coûtent 3000 francs. La situation est catastrophique. Le chef de colline Kavumu confirme ce qui est dit par sa population. Jeanne Niwidi trouve que pour dénouer cette pauvreté qui menace la population, il faut qu'il y ait une politique de création d'emplois et la protection des terres cultivables. Suivez-le. Ils ont dit vrai. La colline Kavumu a 5 sous-collines. Nous organisons des causeries avec toutes les couches de la population. Partout où nous passons, ces derniers disent qu'ils ont faim. C'est aussi notre constat. Pour sortir de cette impasse, il faut que le gouvernement mette en place une politique claire d'emploi ainsi que la protection de terres cultivables. Continuons de parler de Noël, mais en nous rendant à Mwaro, où les prix des produits vivriers ont grimpé au marché du chef-lieu de la province. Une somme variant entre 300 et 500 francs s'est ajoutée au prix de certains produits en l'espace d'un mois. Ce phénomène est lié à la rareté de certaines cultures qui ne sont pas à leur période de récolte, ainsi que la dévalorisation de la monnaie selon certains acheteurs. Appelons Laurent Ndikuriyo. Au marché du chef-lieu de la province Mwaro, les prix de certaines denrées alimentaires ont aujourd'hui grimpé comparativement au prix d'il y a un mois. Par exemple, le prix d'un kilogramme de haricots a passé 2200 francs au mois de novembre à 1500 francs aujourd'hui. Le riz a passé 2400 francs à 1800 francs le kilo au cours de cette période. Un kilogramme de grains de maïs coûtait 900 francs au mois de novembre dernier, mais il vaut aujourd'hui entre 1300 et 1500 francs. La farine de manioc coûtait entre 700 francs et 750 francs le kilo au mois de novembre dernier, mais aujourd'hui il coûte 1000 francs. Pour la pomme de terre, cette denrée a passé de 450 francs le kilo au mois de novembre à 750 francs aujourd'hui. Certains acheteurs trouvés à ce marché disent que cette culture n'est pas aujourd'hui à sa période de récolte. Pour la banane, un régime moyen a passé de 5000 francs au mois de novembre à 8000 francs aujourd'hui, tandis qu'un panier de patates douces qui coûtait 3000 francs en novembre dernier coûte aujourd'hui 5000 francs. Selon certains vendeurs, ces prix ont grimpé car ils coûtent cher sur les marchés où ils tirent ces produits car la monnaie dévalue, tandis que pour d'autres, c'est la loi de l'offre et de la demande qui dictait l'état des prix au marché. Au moment où les chrétiens célébraient ce dimanche la fête de Noël, certaines personnes rencontrées à ce marché disent qu'il leur est difficile de célébrer cette fête comme elles le souhaitaient suite à cette flambée des prix, alors que les moyens sont pour elles limités. Moi, Laurent Dicurio, Radio Isanganiro. Vous n'avez pas Isanganiro? Vous ratez l'essentiel. 13h03 dans les studios de la radio Isanganiro. Continuons avec notre journal. Le bureau de l'Ombudsman burundais a l'obligation d'accélérer les dossiers des Burundais poursuivis pour tentative de renversement des institutions en 2015 pour contribuer au bon déroulement du dialogue. Cela est dans une déclaration sortie ce samedi 24 décembre par ce bureau. Djuma Rukumbi, porte-parole de l'Ombudsman, a fait savoir que les services compétents devraient analyser la possibilité de lever les mandats contre certains Burundais. Suivez-le. L'institution de l'Ombudsman a salué la mesure de lever des mandats de certains hommes politiques intervenus en février 2016. Nous tenons également à remercier la justice pour la récente mesure permettant la reprise des activités de certaines organisations de la société civile. Et cela intervient après d'autres initiatives de nature à permettre la liberté individuelle et publique. Nous citerons ici la réouverture de certains médias. Dans le même prolongement et afin de contribuer au bon déroulement de la suite au dialogue, l'instruction des dossiers à charge des personnalités politiques susceptibles de constituer un handicap au dialogue devrait être analysée et clôturée dans les meilleurs délais. Au besoin, les services compétents devraient analyser la possibilité d'élever d'autres mandats. L'institution de l'Ombudsman souhaite un dialogue sincère et inclusif et réitère son engagement à asseoir un climat d'entente permanente entre les citoyens. Page sécurité à présent. Deux hommes blessés. C'est le bilan d'une attaque à la machette contre un ménage de l'avenue Nwari du quartier Boussoro de la zone Kanyosha en Mérido, Bujumbura, dans la nuit de ce dimanche. Les victimes qui demandent le renforcement de la sécurité dans cette localité indiquent qu'il s'agit de la deuxième attaque. Placide Niyomongere. Ces hommes sont Wosha Eli et son fils Pierre Nkurunziza, successivement blessés au niveau des genoux, de la tête et des épaules par quatre hommes munis de machettes qui ont fait irruption jusqu'à l'intérieur de la clôture en fleurs vers 21h, comme l'indique ici Pierre. J'étais à la maison, puis mon téléphone a sonné. Lorsque j'ai décroché, étant dehors, j'ai trouvé quatre personnes à l'extérieur, munies de machettes. Ils m'ont mobilisé tout en demandant des grenades. Et j'ai dit que je n'en ai pas. Et je lui ai donné mon téléphone. Ils ont également pris mon porte-monnaie que je possédais sur moi. Et nous nous sommes chamaillés ici. Ces malfaiteurs ont foncé jusque dans la chambre à coucher de Bosha Eli et sa femme, où ils n'ont pris que quelques habits et un téléphone avant de lui donner un coup de machette au niveau du genou. J'ai vu deux personnes courir vers ma chambre à coucher où je dormais avec ma femme. Ils ont tiré le drap en nous éclairant au niveau des visages à l'aide des torches. Ils nous ont exigé de l'argent et des téléphones. Et lorsque je le cherchais, ils l'avaient déjà pris. Ensuite, ils ont fouillé dans les garde-robes et valises sans rien trouver, sauf un pagne neuf. Et puis, ils m'ont donné un coup de machette ici, au niveau du genou. Ils ont fait un coup de machette. De telles attaques s'amplifient du jour au jour dans cette localité. Ces victimes indiquent qu'il s'agit de la deuxième attaque au niveau de cette même avenue. D'habitude, la situation était bonne, mais nous sommes les deuxièmes à être attaqués sur cette même avenue. Dernièrement, des hommes inconnus ont blessé une autre personne qui rentrait à bord de sa voiture. Il voulait voler son véhicule. Lui aussi, il a eu beaucoup de coups de machette avant que ces malfaiteurs ne prennent le large. La population de cette localité demande que la sécurité soit renforcée dans cette période de fêtes de fin d'année en multipliant des patrouilles comme ça se fait au niveau des autres avenues. Merci Placide. Les ONG étrangères désirant s'installer et intervenir au Burundi ne doivent pas choisir leur zone d'intervention. Cela est une inquiétude du député Gabriel Nisezelana. C'était lors de l'adoption du projet de loi portant cadre général de coopération entre le Burundi et les ONG étrangères ce vendredi à l'Assemblée nationale. Gabriel Nisezelana explique que ces ONG étrangères se concentrent dans certaines zones. Suivez-les, il a été traduit en français par Léonce Vitalio. Ce qu'on a déjà remarqué, c'est que les ONG se concentrent plus dans les mêmes zones géographiques. Ce que j'aimerais demander au ministre, c'est de changer la loi pour que toutes les zones soient assistées par ces ONG au même pied d'égalité. Le gouvernement travaille bien en octroyant les 500 millions de francs burundais pour le développement des communes dans toutes les provinces. Ma suggestion serait d'intégrer cette clause dans ce projet de loi afin que le ministère de tutelle qui ferait le suivi de ces ONG puisse les orienter dans une zone par rapport à une autre. Je ne pense pas qu'il faudrait donner le choix à ces ONG pour s'implanter quelque part. À cette inquiétude du député Gabriel Nisezelana, le ministre de l'Intérieur, Pascal Balandagié, qui a exposé ce projet de loi ce vendredi, indique que c'est le gouvernement du Burundi qui doit déterminer ses zones d'intervention. Suivez le ministre Pascal Balandagié, il est traduit en français par Médard Niyomongere. Pour ce qui est de l'intervention des ONG dans les zones normalement, c'est le gouvernement qui devrait montrer à ces ONG où ils s'implanteraient. Pour la coordination des aides au développement, il y a des structures qui suivent la répartition des aides sur base d'une carte qui montre le degré de nécessité d'une zone par rapport à une autre. Cette carte montre également les différents intervenants dans les provinces par secteur. Cela est vrai. Il y a des ONG qui choisissent elles-mêmes les lieux d'intervention. Cela s'est passé au sein du ministère de la Santé. On avait indiqué à une ONG la localité dans laquelle elle allait travailler, mais au moment de la mise en œuvre de son projet, elle a changé de zone. Et là, on peut se poser des questions. Pourquoi une ONG peut changer de localité comme ça? Par là, j'aimerais dire que la responsabilité incombe également au ministère technique, parce que c'est lui qui a des chiffres et qui ferait facilement cette orientation. Mais c'est sur le www.isanganiro.org. Page internationale. En Russie, un avion militaire s'est écrasé en mer Noire tout ce dimanche matin avec 91 personnes à bord. Au Soudan du Sud, le Conseil de sécurité des Nations Unies a refusé l'embargo sur les armes. Et au Congo, l'Église catholique espère un accord signé fin décembre pour sortir de la crise. Les détails avec Christella Nizigama. En République démocratique du Congo, l'Église catholique a annoncé samedi qu'elle continuait sa médiation en vue de permettre la signature le 30 décembre d'un accord pour sortir la République démocratique du Congo de la crise provoquée par le maintien au pouvoir du président Joseph Kabila. Depuis le 8 décembre, les pourparlers entre pouvoir et opposition ont lieu à Kinshasa sous l'égide de la Conférence épiscopale nationale du Congo en vue de permettre l'instauration d'un régime de transition politique jusqu'à l'entrée en fonction des nouveaux présidents élus. Nous espérons que vendredi le 30 décembre sera le jour solennel au cours duquel l'accord sera adopté et signé, a déclaré à la presse le président de la Conférence épiscopale nationale du Congo, Monseigneur Marcel Outembi. Comme nous le lisons sur le site du journal Jeune Afrique, la Conférence épiscopale nationale du Congo fera le travail qui reste à travers les passerelles auprès des autorités et des chefs des deux camps, a ajouté l'archevêque catholique catholique de Kisangani, grande ville du nord-est du Congo. Selon Jean-Marc Kabound, secrétaire général de l'UDPS, parti de l'opposant historique Étienne Tshisekedi, ils ont trait au partage du pouvoir pendant la période intermédiaire et en particulier au poste de premier ministre et au contrôle des provinces. Au Soudan du Sud, le Conseil de sécurité des Nations Unies a rejeté une résolution parrainée par les États-Unis pour imposer un embargo sur les armes et infliger des sanctions au Soudan du Sud malgré les menaces d'un éventuel génocide dans le pays. La résolution a recueilli 7 voix au sein du Conseil composé de 15 membres, alors qu'il aurait fallu 9 voix pour qu'elle ait été approuvée. Selon le site de la BBC Afrique, 8 pays dont la Russie, la Chine et le Japon se sont abstenus de voter. Les combats entre les forces royales au président du Sud-Soudan, Salva Kiir, et celles qui supportent son adjoint limogé Riek Machar ont éclaté en décembre 2013, prolongeant le pays dans un conflit civil encore en cours. Et enfin, un avion russe Tupolev Sa-54 qui avait pour destination en Syrie, transportant 83 passagers et 8 membres d'équipage, a disparu des écrans radar près de 20 minutes après son décollage, a annoncé le ministre de la Défense. Et le porte-parole du ministre a précisé que des secours ont été dépêchés pour retrouver l'appareil qui s'est abîmé à 1,5 km des côtes, à quelques dizaines de mètres de profondeur. Des débris ont déjà été récupérés, ainsi qu'un premier corps, selon les agences russes. Aucune version n'a été communiquée pour le moment sur les causes de l'accident. Selon le site de la Radio France Internationale, l'avion avait pris la direction de la base dans la province de Latakié, sur la côte syrienne, où la Russie dispose d'une base navale, 9 journalistes et des musiciens de l'ensemble Alexandrov, qui se trouvaient à bord pour aller donner un concert le 31 décembre auprès des forces armées déployées en Syrie. Merci Christella, et c'est par cet élément que nous mettons fin à ce journal. Mais avant de nous quitter, un petit rappel des titres. 2 personnes ont échappé à la mort dans la nuit de ce dimanche dans la zone de Kanyosha. Elles ont été attaquées à la machette par des hommes non identifiés. Les victimes demandent que la sécurité soit bien assurée dans cette localité. La flambée des prix des denrées alimentaires n'a pas facilité la célébration de Noël à la population de la zone Muyira et celle de la province de Ngaro. Les organisations non gouvernementales étrangères voulant intervenir au Burundi doivent se positionner en respectant les besoins dégagés par les ministères. C'est la réponse qui a été donnée par le ministre de l'Intérieur, Pascal Balandagié, au questionnement des députés sur le choix des zones d'intervention de ces ONG étrangères. Merci pour votre attention. Merci également à François Akimana pour sa collaboration technique. Bonne fête de Noël à tous les chrétiens.